mon cerveau, je veux le salaire à Lionel Messi. D'ailleurs y'a tellement de choses qui font que je veux être amnésique. Ça fait 10 ans que je fais du rap et que je me casse la tête. Putain quand ça va pas avec Killer on casse la tête. Tu pourras dire ce que tu veux, non j'ai le mental solide. Et quand ça va pas je tire comme dans Metal Gear Solid. J'aime rapper dans les temps et faire tourner à la famille. On m'a dit Mani mais comment tu vas t'y prendre l'ami. J'ai trop de soucis dans la tête mais j'aime les affronter. Quand je vois les tasses compter on me prend pour un effronté. Putain je m'en bats les couilles, mon mental est solitaire. Suffit qu'on baisse la gueule et je deviens solitaire. La vie c'est pas comme un Vegas, il suffit pas de gratter. Jamais t'es satisfait, un peu comme un petit gosse gâté. Putain mon pote on voit jamais la vie en rose. On a la dalle et on veut le boule comme celui d'Amber Rose. On a un mental d'acier, un cerveau sous la weed mais bien masterisé. Rino, Killer et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque tout comme Paoletta. Ouais boy, on a un mental d'acier, un cerveau sous la weed mais bien masterisé. C'est Rino, Killer et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque tout comme Paoletta. Dans ma tête ça tourne pas rond, voilà ce que j'entendais dire. Remarque je suis pas tout seul car ce putain de monde me donne envie de rire. Et doubler ma vie sans pouvoir la changer. Je suis dégoûté l'ami car on paye pour manger. Rino Lyota aussi vif qu'un V8. C'est comme à la télé si tu kiffes ta P8. T'es pas du niveau, t'es mal à la barre, je l'ai monté haut. Obligé de courir quand t'es à la barre comme on déroule. J'aimerais qu'un jour ça pète pour pouvoir tout changer. Certains hommes veulent le pouvoir, moi je trouve ça dérangé. J'entends dire Rino lâche pas l'affaire. Continue d'avancer, même si ce monde c'est l'enfer. Même si ce monde se fait refaire, moi je trouve plus mes repères. Élevé par la daronne, mais où est passé mon repère? Yeah, ouais boy, on a un mental d'acier. Le cerveau sous la weed, mes boys bien entassés. C'est Killer, Rino et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque, tout comme Paoletta. On a un mental d'acier, un cerveau sous la weed, mais bien entassés. C'est Killer, Rino et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque tout comme Paoletta. J'ai un moral de fer, des points en acier, un caractère qui laisserait passer. Tu peux essayer de passer sur le côté. Dans mon chemin, trop de personnes se font boycotter. Tu peux te faire juger juste pour un texte et pourtant des longs juste des faits réels. Les drames de la vie quotidienne qu'on n'entend pas parler, dont je viens ramener la vérité à sa place sans aucune classe. Sur un flot bestial, je viens foutre des claques à ceux qui nous plaquent. Je suis à deux doigts de péter un câble qui nous colle des quenelles de 20 cm. J'irai juste pour un jouet de bebe. Je viens te foutre aussi, petit rappelle-moi la sentinelle. Je viens gifler tous les crânes rasés. J'en ai ras-le-bol des mecs qui se guisent entre potes et qui font les gangsters. Alors c'est juste des suceurs de bite qui parlent trop facile. On a un mental d'acier, le cerveau sous la weed, mes boys bien entassés. C'est Killer, Rino et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque tout comme Paoletta. On a un mental d'acier, un cerveau sous la weed, mais bien entassé. C'est Killer, Rino et Mani Lyota. Mon esprit est à l'attaque tout comme Paoletta.